Il est écrit, voici, je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Tangina salama kambo ya sika. Et comme il pene pene na moko pisama. Nani ya bongi sami pona kuzwa makambo ya sika. Alléluia. Yo mwana na tzambe yo kama. Yo toa pamba. Allo. Hello! cabaret.